trop magique, j'ose m'attaquer au grand musicien du passé. Encore plus dégoulinant que Richard Kellerman. Beaucoup plus gluant que Christian Vorrier.